Partie 3. Jésus et vous. Chapitre 9. Qu'est-ce qu'un chrétien? Partie 1. Dans cette troisième partie, nous abordons la question très importante de la différence que Jésus peut faire pour vous et moi. La principale raison pour laquelle j'ai écrit ce livre pour vous, Maddie et Izzy, est d'en arriver à ce point. Je veux vous expliquer ce qu'est un chrétien. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous expliquer quelque chose qu'un chrétien n'est pas. Car je constate que beaucoup de gens ont des idées fausses à ce sujet. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Cette affirmation vous surprendra peut-être, car vous êtes vous-même né dans une famille catholique. Même si nous n'étions pas vraiment des catholiques pratiquants, en tant que parents, nous avons estimé que nous devions vous faire baptiser toutes les deux. C'était principalement pour nous aider à nous intégrer dans notre société et pour faire plaisir à d'autres membres de la famille. À l'époque, c'était plus une question de tradition qu'une déclaration personnelle de foi. Quand j'y repense aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce fût une décision judicieuse, car le baptême des nourrissons conduit beaucoup de gens à penser que l'eau bénite a un pouvoir magique qui peut vous transformer en chrétien. Elle n'a aucun pouvoir de ce genre. Célébrer la naissance d'un nouveau-né par le baptême n'est pas une mauvaise chose, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une expression du désir des parents de voir leur enfant grandir et devenir chrétien. Le rituel religieux ne peut pas réellement vous rendre chrétien. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui va à l'église. Les idées fausses sur le baptême sont étroitement liées aux idées fausses sur l'église en général. Pendant de nombreuses années, j'ai pensé qu'aller à l'église faisait de moi un chrétien. Encore une fois, il s'agissait davantage d'un devoir social que d'une foi personnelle. Je pense que beaucoup de gens vont à l'église parce qu'ils veulent se sentir respectables. Peut-être veulent-ils que leurs enfants aient une place dans une école paroissiale locale. Peut-être pensent-ils que Dieu les récompensera en leur accordant plus de prospérité. Ou peut-être sont-ils simplement superstitieux et ont-ils peur de mourir sans la bénédiction d'un prêtre. Comme je l'ai expliqué au début de ce livre, ma fréquentation de l'église dans ma jeunesse n'a en rien dissipé ma confusion intérieure. Elle m'a simplement laissé avec beaucoup de grandes questions, sans réponse. Pour être honnête, dans beaucoup d'églises que j'ai fréquentées, je me sentais un peu à l'écart, comme si je devais me conformer à certaines attentes sociales pour m'intégrer. Les églises ont souvent des règles tacites sur des sujets tels que la consommation d'alcool et de tabac, la façon de s'habiller, le type de fréquentation et, bien sûr, le sexe. Il existe toutes sortes de règles à ce sujet. Mais être chrétien n'est pas un statut qui vous est conféré par la communauté ecclésiale. Ce n'est pas la même chose qu'avoir une bonne réputation en tant que personne religieuse. Jésus l'a clairement expliqué lors de ses fréquents débats avec les pharisiens. Ceux-ci étaient les fidèles respectables de son époque, qui n'étaient jamais plus heureux que lorsqu'ils fréquentaient leur synagogue locale ou le grand temple de Jérusalem. Mais, comme Jésus le souligne dans son célèbre sermon sur la montagne, tout cela était fait pour être vu des hommes, Matthieu 6, 1. S'il donnait de l'argent à des œuvres caritatives, il s'assurait que tout le monde le sache, Matthieu 6, 2. S'il faisait leurs prières, il s'assurait que tout le monde les entende, Matthieu 6, 5. S'il observait un jeûne religieux, il s'assurait que cela soit évident pour tous, Matthieu 6, 16. Et lorsqu'il s'agissait de respecter des règles sociales insignifiantes et de se sentir supérieur aux autres, ils étaient littéralement dans une classe à part. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène religieuse, un spectacle destiné à impressionner. Jésus n'avait que du mépris pour leur soi-disant piété. Il la qualifiait de hypocrisie et avertissait tout le monde en termes très forts de s'en méfier. Voir Matthieu 23. Ne vous méprenez pas, Maddie et Izzy. Je ne dis pas que le fait d'aller à l'église n'a pas son importance dans la vie d'un chrétien. Bien sûr que si. Dans le livre des Actes, nous voyons que les premiers chrétiens se réunissaient régulièrement pour ce qu'ils appelaient la communion fraternelle. L'apôtre Paul a consacré sa vie de missionnaire à fonder de telles congrégations locales, et la plupart de ses lettres conservées dans le Nouveau Testament ont été écrites pour les encourager et les instruire. Ne pensez donc pas que je suis anti-église. Rappelez-vous que c'est dans une église que j'ai rencontré Jésus pour la première fois et que j'ai découvert la foi que je vous recommande dans ce livre. Je veux simplement que vous compreniez clairement que fréquenter une église et être chrétien sont deux choses très différentes. Un chrétien n'est pas seulement une bonne personne, encore une fois. Cela peut sembler un peu controversé, mais il faut le dire. Je pense que beaucoup de gens utilisent le mot « chrétien » simplement pour décrire un comportement aimable, généreux ou moralement droit. Ils peuvent admettre que les pratiquants peuvent être très hypocrites ou pompeux. Ils peuvent nier avec emphase qu'ils sont en quoi que ce soit religieux. Mais ils souhaitent tout de même se classer parmi les chrétiens, au motif qu'ils essaient de mener une bonne vie. Ils imaginent que lorsqu'ils mourront, Dieu mettra toutes leurs actions dans la balance et les jugera en fonction du poids des bonnes par rapport aux mauvaises. Mais c'est là une autre grave erreur. Tout d'abord, cela signifie que vous ne pouvez jamais être sûr d'aller au paradis, car quel niveau de bonté est suffisant pour satisfaire Dieu? Comment savoir quand vous avez atteint le seuil requis? Mais plus fondamentalement, cela surestime totalement notre capacité humaine à faire le bien. C'était le plus gros problème des pharisiens. Ils essayaient d'établir leur justice aux yeux de Dieu en obéissant à des règles, certaines tirées de la loi de l'Ancien Testament, mais beaucoup d'autres inventées par eux-mêmes. Ce genre de légalisme existe encore aujourd'hui, en particulier dans les églises, et il est extrêmement trompeur. Car le fait est que, même si nous sommes très doués pour respecter les règles, nous ne pourrons jamais nous rendre assez bons aux yeux de Dieu de cette manière. L'apôtre Paul nous dit que le but des 10 commandements est en fait de nous faire prendre conscience à quel point nous sommes tous désespérément pécheurs. Mais la loi de Dieu ne peut pas vous donner la force morale nécessaire pour la respecter. En fait, ironiquement, plus nous nous convaincons que nous sommes bons, plus nous devenons orgueilleux et arrogants. Et l'orgueil et l'arrogance sont les pires péchés qui soient. Tout cela est résumé dans une phrase importante de la lettre de Paul aux Romains. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu en observant la loi. C'est plutôt par la loi que nous prenons conscience du péché. Romains 3, 19 à 20. Ainsi, si le baptême ne peut vous rendre juste devant Dieu, si aller à l'église ne peut le faire, si essayer de mener une vie moralement bonne ne peut le faire, il semble que nous soyons complètement impuissants en la matière. N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Tout à fait exact. Nous sommes impuissants. Et c'est précisément pour cela que la Bible dit que nous avons besoin d'être sauvés. Permettez-moi donc de vous parler rapidement du salut que Dieu nous a offert.